Rendez-moi mes enfants !» Le général ouvrit la porte et courut se pencher au-dessus de l'escalier d'honneur. Là, il vit et entendit sa garde qui ronflait comme un seul homme. Il eut au fait de la réveiller d'une voix de tonnerre qui fit sortir les pauvres hussards de leurs rêves. Ils crurent leur dernier moment venu. Garcia, pâle de rage, appela l'officier et lui ordonna de réunir tous ses hommes sur le palier. La porte de la chambre était restée ouverte. « Mes soldats ne dorment jamais !» cria Garcia au consul d'Angleterre. « Regardez-moi ces hommes-là, monsieur le consul, et dites-moi s'ils ont envie de dormir. Un peu de gymnastique, mes garçons, hein? Allons, une, deux, pas gymnastique, et sautez tous par la fenêtre !» Son bras terrible leur montrait la fenêtre de sa chambre, qui était à 5 ou 6 mètres au-dessus du pavé pointu de la rue. Il était effrayant à voir. Les soldats n'hésitèrent pas. Ils sautèrent tous. Il ne restait plus que l'officier. « Eh bien, commandant, il faut rejoindre vos hommes !» Et comme le commandant hésitait, il le prit sous les épaules et le jeta dans la rue. Le consul d'Angleterre, les ministres et Garcia, qui riaient maintenant avec allégresse, tous se penchèrent à la fenêtre. En bas, les soldats qui avaient sauté sans se faire trop de mal ramassaient 3 de leurs camarades qui s'étaient cassés les jambes. Quant à l'officier, on l'emportait. Il avait le crâne fendu. Cet exercice était à peine terminé que le ministre de la guerre arrivait, toujours suivi du marquis et de Natividad. « Eh bien ? » demanda Garcia en refermant la fenêtre. « Eh bien ? » répondit le ministre en clignant de l'œil du côté de son illustre maître. « Il s'agit des ponches rouges. C'est Oviedo Runtu qui leur a donné cette maison à garder et qui a placé là quelques soldats pour leur prêter main forte. Les ponches rouges quittent du reste Arequipa demain soir, se rendant au Cuzco. « Et alors ?» fit Garcia, qui tortillait nerveusement la pointe de son énorme moustache. « Et alors ? Ils ne comprennent rien à l'histoire de la jeune fille enlevée et du petit garçon. « Excellence, il faut fouiller cette maison !» s'écria le marquis, qui avait perdu tout sang-froid. « Il faut la visiter de fond en comble. Les misérables y cachent mes enfants. Il n'y a pas un instant à perdre. Vous ne laisserez pas ces fanatiques emmener mes enfants au Cuzco. Vous savez ce dont ils sont capables. » Ils ne les ont pas enlevés pour rien. Ce qui se prépare est atroce. Dans quelques jours, les fêtes de l'Interraimi seront achevées et le sacrifice abominable sera consommé. C'est un père, c'est un ami qui vous supplie. Le général Garcia ne laissera pas souiller sa gloire d'un crime aussi horrible qui le mettra au banc de la civilisation. Jamais la noble population péruvienne ne lui pardonnerait de s'être fait, même inconsciemment, le complice d'une semblable horreur. En tout cas, de n'avoir point tout fait pour l'empêcher. Enfin, Excellence, il s'agit de la vie ou de la mort de mon petit Cristobal, le dernier héritier d'une illustre famille qui a toujours combattu pour la civilisation à côté de la vôtre, et de ma fille que vous avez aimée. Cette dernière considération n'eût point fait, peut-être, une profonde impression sur l'esprit du général, qui, comme tous les grands hommes, se vantait de ne point mêler les affaires de cœur à sa politique, mais elle avait été précédée d'une phrase qui le bouleversa de fond en comble. Le dernier héritier d'une illustre famille qui a toujours combattu pour la civilisation à côté de la vôtre. Ceci emportait tout. Garcia se retourna brusquement vers son ministre de la guerre. « Enfin, tu as dû voir quelque chose, toi. Tu as pénétré dans cette maison. »« Mais non, Excellence, impossible. C'est un lieu défendu. Les ponches rouges et les mamakona ont avec eux les empreintes sacrées qu'ils sont allés chercher à Cajamarca et qu'ils emportent à Cuzco pour les dernières solennités de l'Interraimi. Si je violais cette demeure, tous nos soldats quichua, avertis par ceux qui la gardent sur l'ordre d'Oviedo Runtu, se révolteraient. « Laissez-nous !» gronda Garcia en jetant tous ses ministres à la porte. Il suffit pour qu'ils disparussent d'un froncement de ses sourcils. Et il resta seul avec Natividad et le marquis, qui tremblaient d'énervement, de douleur et d'impuissance, et qui ne parvenait point à retenir ses larmes brûlantes. « Monsieur le marquis, s'il est vrai que vos enfants sont aux mains de ces misérables, c'est épouvantable, car je ne peux rien pour vous. » Le marquis reçut le coup, et l'on put croire qu'il allait s'évanouir. Il s'appuya à la muraille et râla. « Écoutez, Garcia, parvint-il à prononcer, si cette chose a lieu, je vous en rends personnellement, moi, responsable devant le monde civilisé. Le sang répandu retombera sur votre tête. Jamais le Pérou ne vous le pardonnera. » Puis il tomba à genoux et pleura. Rendez-moi mes enfants !» Garcia se précipita sur lui et l'enleva dans ses bras puissants, comme il l'eût fait d'un tout petit. Mais l'autre s'était déjà ressaisi, lui glissait des mains comme une anguille, se redressait sur ses courtes jambes et lui criait « Laissez-moi, laissez-moi, vous n'êtes qu'un général d'assassins !» Garcia pâlit. Natividad, épouvantée, crut qu'il allait littéralement dévorer le marquis, car on entendit un bruit de grincement de mâchoire. Cristobal s'était déjà dirigé vers la porte, n'ayant plus rien à ajouter à une pareille invective, et s'attendant du reste à être frappé, assassiné par derrière. Soudain, la parole zézayante et douce du dictateur le surprit et l'arrêta. « Ne vous en allez pas encore, monsieur le marquis. Je ne puis rien pour vous, mais je peux au moins vous donner un bon conseil. » Cristobal se retourna. L'autre de la main lui faisait signe de s'asseoir. Mais le marquis attendait. Il avait déjà perdu trop de minutes précieuses avec cet homme. « Parlez, monsieur, lui dit-il. Le temps passe. » « Avez-vous de l'argent ? » demanda brusquement Garcia. « De l'argent pour quoi faire ? Pour... » il allait dire, « pour vous payer. » Mais il n'acheva pas sa phrase sur un coup d'œil suppliant de Natividad qui lui faisait des signes d'apaisement derrière le dictateur. Celui-ci s'aperçut que l'on jouait la pantomime derrière lui et se retourna, aperçut Natividad, le prit par le bras et le fit sortir sans autre explication. La porte refermée, il alla s'asseoir à une petite table recouverte de paperasse, posa les coudes sur cette table, laissa retomber sa lourde tête dans la coupe de ses deux mains énormes et prononça ces mots d'affilée à mi-voix, sans regarder le marquis qui était resté debout méfiant.